gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions, eh bien, il y en a toujours eu. Vous me l'accorderez. Je vous l'accorde, Evelyne. Où voulez-vous en venir? Ben, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ils ont le vent en poupe, surtout lorsqu'on les appelle les décideurs. Ah, voilà un mot qui est à la mode. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est, ces fameux décideurs? Ce sont des gens qui ont le pouvoir, et en particulier, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Ce sont ceux qui font marcher le monde, si vous voulez, et il n'y en a pas beaucoup. Tout ça se passe à un très haut niveau. Prenez Monsieur Tapie, par exemple. Il est chef d'entreprise, il est député, il est tout ce que vous voulez. C'est le type même du décideur. Et d'ailleurs, vous donnez l'exemple d'un homme contemporain, enfin des années 80, parce qu'effectivement, dans les années 70, ce type d'homme existait bien évidemment, mais il n'avait pas la faveur du public. Depuis quelques années, il faut bien reconnaître que les Français se sont réconciliés avec leur entreprise et avec le patronat. Il était impensable dans les années 70 de faire ainsi l'éloge des décideurs. Il y a même une radio, une grande radio nationale, qui avait parmi ses nombreux slogans prétendu être la radio des décideurs. Ça ne voulait pas dire qu'elle prétendait être écoutée uniquement par les 30 personnes qui avaient du pouvoir en France, mais c'était un slogan qui faisait bien dans le tableau. Décideur évoque davantage une position qu'un titre. Ainsi, je ne pourrais pas dire de Monsieur Dupont qu'il est mon décideur. Il est peut-être mon patron, il est mon chef. Et d'ailleurs, pour une deuxième raison, je ne pourrais pas le dire, parce que décideur s'emploie toujours ou presque toujours au pluriel. Et de même, on ne dira pas de ce même Monsieur Dupont, il a été nommé décideur de Thomson ou décideur chez Thomson. C'est simplement une position d'être décideur. Maintenant, si on veut aller encore plus fort dans ce créneau de la mode, on va entendre l'adjectif décisionnaire. Nom ou adjectif? Eh bien, au départ, le mot décisionnaire était un nom. Ce n'est pas un mot tout à fait nouveau. Il existe en français depuis le XVIIIe siècle. Il est formé de façon tout à fait normale. Décision, décisionnaire, de même gestion, gestionnaire. Mais effectivement, si vous prenez le dernier petit Robert, lorsque l'on cherche décisionnaire, on verra à côté qu'il est classé comme nom. En fait, dans la réalité, il me semble qu'on entend davantage l'adjectif plutôt que le nom. Alors, cela a un sens tout à fait particulier, ça veut dire celui qui est habilité à prendre une décision sans en référer à personne. Par exemple, il faut engager un nouveau cadre dans telle entreprise. Vous allez voir le directeur adjoint, il vous sélectionne, il vous trouve très bien, etc. Vous êtes presque embauché, mais pas tout à fait, parce qu'il n'est pas décisionnaire. C'est-à-dire que c'est le président directeur général, par exemple, qui tranchera s'il y a deux concurrents. Lui, il est décisionnaire. Le manager est un mot qui n'a pas tout à fait le même sens et qui en plus est un petit peu en perte de vitesse aujourd'hui. Voilà un mot des années 70, directement emprunté au lexique anglo-américain puisque on le prononce manager, mais qu'il s'écrit M-A-N-A-G-E-R, donc en français on devrait dire tout simplement manager. En tout cas, au départ, il entre dans notre vocabulaire avec le sens d'entraîneur. Il entre par l'entrée des artistes, vous voulez dire. Oui, lorsqu'il s'agit, je ne sais pas, d'un boxeur ou d'un sportif ou d'impresario, lorsqu'il s'agit d'un autre côté de promouvoir une vedette de variété. Et puis le manager est devenu celui qui dirigeait soit une entreprise, soit un secteur d'entreprise. C'était à la mode peut-être à la fin des années 60, quand on parlait beaucoup des jeunes cadres dynamiques. Sans sourire, à l'époque, le manager, c'était le jeune cadre dynamique qui avait réussi, qui dirigeait les autres, disons. Vous voulez que je vous dise, moi je trouve qu'on se complique bien la vie en français. On avait deux beaux mots standards, tout simples, responsable et dirigeant. Pourquoi ne pas s'en être contenté ?